بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنواصل في قراءة فضل رب البرية بالشرح الضرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله رحمة واسعة بشرح شيخ علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى. Donc nous continuons dans le chapitre des funérailles dans le livre Fadl Rabb al-Bariyya, qui est l'explication du noble cheikh Ali Ramli sur le livre Durar al-Bahiyya de l'imam Shawkani. Alors, nous sommes toujours sur le sous-chapitre qui traite Fasl Dafn al-Mayyit, l'enterrement du mort. On a parlé de cela, comment enterrer un corps. Et on a dit qu'il y a deux manières de creuser la tombe. Qui peut me rappeler ces deux manières en arabe? Non. Ces deux manières, qui peut me rappeler? Non. Al-lahdu. Al-lahdu, c'est quoi? Non. Une fente à l'intérieur. C'est ce qu'est al-lahdu. Voyez. Et l'autre manière de creuser, l'autre manière. Vous ne mémorisez pas vos dars. C'est Abdar, Abdar. Ça va? Donc, cette manière de creuser, comment on le fait? Non. Une fente au milieu, pas sur le côté. Ça va? Une fente qui suffit le corps. Et lorsqu'on place le corps maintenant à l'intérieur de cette fente, on couche les briques. Mais on n'arrête pas les briques. Contrairement à l'autre, lorsqu'on creuse sur le côté de la Qibla, on creuse une fente à l'intérieur et puis on fait rentrer le mort. Ensuite, on arrête les briques pour fermer. Voyez. Et qu'est-ce qu'on a dit au sujet des deux? Qu'est-ce qui est meilleur? Non. C'est le lahd. C'est le lahd qui est meilleur. Et là, Kin, je vous ai donné une parole du Cheikh Salah Al-Fawzan. Non, ça dépend des terres. Parce qu'il y a des terres qui ne sont pas solides. Lorsque tu fais le lahn, alors ça descend. Mais il y a des terres qui sont solides. Lorsque tu fais le lahn, alors c'est bon. Donc, le lahn, il y a dans le lahn le respect. Le ihtiram de celui qui est décédé. Ça va? Et on a parlé de comment faire entrer le corps dans la tombe. Qu'est-ce que nous avons dit? Comment faire entrer le corps dans la tombe? Naam, Al-Karim? Sur le côté des pieds, mais pas la tête. Là où ses pieds doivent être, dans la tombe. Donc, on fait rentrer sa tête à partir de là-bas. Mais on a dit, ala amr, et tawakof, ala mada, ala lafdaliya. Mais d'autres savants disent que al amr wasa, on peut le faire rentrer comme on veut. Mais la sunna, c'est de le faire rentrer par la tête, là où on doit mettre son pied. Ça va? Oyib. Nasallallahu alayhi wa sallam. Alors nous sommes arrêtés sur la masala de Ziyarat al-Qubur. Ziyarat al-Qubur. La visite des tombes. Et qu'est-ce qu'on a dit? Qui peut me rappeler? C'est permis ou c'est pas permis? Non? C'est une sunna, mais c'est pas une obligation. Son savoir. Voyez, c'est ce sujet que nous allons aborder aujourd'hui dans les détails. Mas'alatun al-rijal wa nisa fi mash'uriyati ziyarat al-qubur sawa. Est-ce que les femmes et les hommes dans l'autorisation de visiter les tombes, est-ce qu'ils sont pareils? Alors le cheikh Ali Ramli dit as-sahihu anna ar-rijal wa an-nisa sawa'un fi zalik. Ce qui est correct, c'est que les hommes et les femmes sont pareils en cela. Wa qad ikhtalafa ahlu al-'ilm fi ziyarat al-mar'a lil-qubur. Les gens de science se sont divergés au sujet de la visite de la femme du cimetière. Hal hiya jaizun am la? Est-ce que c'est autorisé ou pas? Alors les savants se sont divergés sur cela. Wa sahih, ce qui est authentique, annaha jaiza, et que cela est permis pour les femmes, bishart, mais à condition alla yadhhar minha ma yukhalifu shar'a Allah. La condition est que n'apparaisse pas de cette femme ce qui contredit la législation. Tayyib, min latm al-khudud, comme le fait de se frapper les joues, wa shaqq al-juyub, et déchirer les habits, aw ghayr zalika min al-mahzurat, et autre que cela parmi les choses répréhensibles. Voyez, c'est-à-dire que si la femme va visiter les tombes et arriver là-bas, elle va se déchaîner, elle va pleurer, elle va crier, elle va se taper, alors c'est interdit. Voyez, wa sababul khilaf, mais la cause de la divergence fi jawazihi lil mar'a, en ce qui concerne l'autorisation de la visite des tombes pour la femme, la cause de la divergence, wujud ba'd al ahadith, c'est l'existence de certains hadiths allati tadullu ala tahrim, qui indique l'interdiction. Wa huwa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, et c'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit لَعْنَ اللَّهُ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ. زائرات, hein? زائرات, c'est qui? Les femmes. Il dit qu'Allah maudit les femmes qui visitent les tombes. Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmad, Abu Daoud, Tirmizi, du hadith de Ibn Abbas. Mais dans le sanad de ce hadith, dans la chaîne de transmission des hadiths, il y a Abu Saleh. Abu Saleh, l'imam Ahmad, a dit à son sujet, Abu Saleh, il a dit, Bilzam, intaha, kultu, wa huwa daif. Ici, Abu Saleh, il est daif. Tayyib, c'est quelqu'un qui est faible dans la chaîne de transmission des hadiths. Dans une autre riwayat, il dit Zawarat. Vous allez voir la différence entre les deux. Zahirat et puis Zawarat. Ça va? Zahirat, c'est celle qui visite. Zawarat, c'est Siratul Mubalagha. Celle qui visite beaucoup. Ça va? Al-Kasra, qui visite beaucoup les tombes. Bainama Ja'at, alors que est venu un hadith ukhra, c'est un hadith aussi tadullu ala al-jawaz, qui montre l'autorisation de visiter les tombes. طيب منها de cela أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة جالسة عند قبر تبكي. Il a passé auprès d'une femme, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a passé auprès d'une femme qui était auprès d'une tombe et elle pleurait. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit à cette femme, Ittaqillaha wasbiri. Crains Allah et patiente. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit cela à cette femme. Alors ici, le chef dit walam yanhaha an ziyaratil qubur. Mais à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas interdit de visiter les tombes. Mais il y a seulement dit ittaqillaha wasbiri. طيب وكذلك علم عائشة دعاء علم عائشة إلى سنيا عائشة دعاء تقوله عند زيارة القبور الرسول صلى الله عليه وسلم سنيا عائشة l'invocation qu'on dit lorsqu'on visite les tombes. Alors le hadith qui se trouve ici, qui est le hadith rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, lorsqu'il a trouvé la femme, elle était auprès de la tombe, elle pleurait. Elle avait perdu quelqu'un de très cher. Elle pleurait auprès de la tombe. Alors lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu la femme ne l'a pas vue. Mais c'est sa voix, elle a entendu. Il a dit à la femme, « Ittaqillaha wasbiri. » Comme l'a dit bien en Bukhari, la continuité. Alors, la femme dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ilayka. Hein? Elle a dit, ilayka anni. Ilayka anni. C'est-à-dire une manière de dire, laisse-moi. Fa innaka lam tusab bi musibati. Elle dit, parce que toi, tu n'as pas été atteint par le malheur, par mon malheur. Mais elle ne savait pas que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, faqila, les gens ont dit à cette femme-là, innahu nabi, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, elle est allée à la porte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lam arifka. Je ne t'ai pas reconnu. Tayyib, lam arifka. Je ne t'ai pas reconnu. Tayyib. Faqala sallallahu alayhi wa sallam. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à la femme, il dit, innama sabru inda sodmatil oula. Il dit, la patience se manifeste dans les premiers instants. C'est-à-dire sous le premier choc. A sodma, c'est le choc. Donc, innama sabru inda sodmatil oula. Retenez cette partie. Innama sabru inda sodmatil oula. La patience, c'est au premier choc qu'on sent la patience. Mais après que la personne, il est crié, sauté, ensuite il n'a plus le choix. Et il dit, on fait comment? La boue d'Amina sobre. C'est impératif qu'on patiente. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? Azalé sa vie sobre. Toyib. Donc, ce hadith montre ici que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas interdit à la femme de visiter les tombes. Et aussi, il y a la dua qu'il enseigna à Aïcha, radiallahu ta'ala, qui est venue dans Sahih Muslim, qui montre ici que lorsqu'il enseigne la dua à Aïcha ici, cela montre qu'il veut que Aïcha met cette invocation en pratique. Mais où est-ce qu'on met cette invocation en pratique? C'est une des ziyarat al-kubur, n'est-ce pas? Lorsqu'on visite les tombes. وَالْجَمْعُ بَيْنَ هَذِي الْأَحَادِيثِ. Maintenant, le rassemblement entre ces ahadiths, عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَةِ حَدِيثِ النَّبِي. Si on dit que le hadith est authentique, c'est-à-dire, لَعْنَ اللَّهُ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالزَّوَّارَاتِ, dans une autre riwaya, si on dit que le hadith est authentique, أَنَّ الْكَسْرَ هِيَ الْمُحَرَّمَ. C'est beaucoup de visites qui est interdit. Si on dit que le hadith est authentique. Voyez. La aslu ziyara. Mais ce n'est pas la base même de la visite des tombes. Voyez. Mais fassohi kama zakarna. Mais ce qui est authentique, comme nous avons mentionné, anna ziyara tel kubur, la visite des tombes, ja'izatun linnisa, c'est autorisé pour les femmes. Bishartin, à condition alla yahsul minha mukhalafatan li shar'i Allah, hada awalan. Donc que dans la visite des tombes pour la femme, qu'il n'arrive pas des contradictions de la législation de l'islam, qu'il n'y ait pas de contradictions, alors c'est autorisé. Hada awalan, ça c'est la première des choses. Amma al-amr thani, alla takunu hadi ziyara, et que cette ziyara ne soit pas bishakli mutakarrir kathir, ça ne soit pas beaucoup de fois, chaque fois. Hein? Lianna al-asah fi al-hadith, car ce qui est plus authentique au sujet des hadiths, alladhi zakaru, qu'ils ont mentionné, wasadallu bihi ala tahrim, et ils ont argumenté pour montrer l'interdiction, lafzatu zawarat, c'est le mot zawarat. Regardez ici, zawarat fi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, la'anallahu zawarat al-kubur. Zawarat ici, hadi tufidul kasra, ça veut dire de nombreuses fois. Aïkasratu ziyara, de nombreuses visites. Fayakunul muharramu wal kasra. Dans ce moment, on dira que l'interdit, c'est ce qui se répète. Ça va? La aslu ziyara. Mais ce n'est pas la base de la ziyara. Ala qawli, si on se base, bi sihhati hadith nahi, on se base et on dit que le hadith qui est interdit est authentique. بهذا اللفظ سواء واما اذا كان الحديث ضعيفا باللفظين سلا حديث ضعيف على دو لفظ من لعن الله زائرات القبور لعن الله الزوارات القبور هنا دو لفظ ici si les deux lafs sont ضعيف كما ذهب اليه بعض اهل العلم comme certains savants ont dit فيشمل الجواز alors cela implique quoi? L'autorisation. Jawazun Nisa. L'autorisation pour les femmes de rendre visite aux tombes. Bishart et Adam et Mukhalafat et Shar. À condition qu'elles ne contredisent pas la charia. Tayyib. À condition qu'elles ne contredisent pas la charia. Wallahu a'lam. Et Allah est le plus savant. Tayyib. Khulasatul Qawl. Le résumé c'est que il n'y a pas d'interdit. Sur le aslu de ziyara. Sur la base de ziyara, il n'y a pas d'interdit. Mais si elles vont contredire la législation, alors en ce moment, ça devient interdit. Ça va? Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Masala, on a un autre sujet ici. Al yajuzu tarfis al-aït bi ziyarat al-kubur. Est-ce que c'est permis de spécifier le jour des fêtes pour rendre visite aux tombes? Ça, on voit beaucoup de fois chez les soufis, les tijanites. Hein? Généralement, chez le groupe des soufis. Ça va? Ils attendent le jour de la fête Yom al-Aïd, ou Eid al-Fitr, ou Eid al-Adha, pour aller rendre visite au temple. Ouais. Et ils spécifient ce jour-là. As-Sahih, ce qui est correct, Adam Ujawazi Taqsi Silaïd Biziyarat al-Qubur, c'est de ne pas spécifier un jour de fête pour rendre visite au temple. Liana Ziyarat al-Qubur, Amrun Kod Shara'ahu Allah, car rendre visite au temple, c'est quelque chose que Allah a légiféré. Wa Ziyarat al-Qubur Yawm al-Aïd, et rendre visite au temple le jour de la fête, Amrun Lam Yashara'ahu Allah, c'est quelque chose que Allah n'a pas légiféré. وَكُلُّ عَمَلٍ تَعَبُّدِي Toute action qu'on prend pour adorer Allah, لَمْ يَشْرَعُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى qu'Allah n'a pas légiféré, فَلَا يَجُوزُ ce n'est pas permis. فَتَخْصِيصُ زِيَارَةِ الْقَبْرِ alors spécifier la visite de la tombe, يَوْمِ الْعِيدِ le jour de la fête, تَشْرِيعٌ جَدِيدٌ c'est une nouvelle législation, يَحْتَاجُ إِلَى مَاذَا إِلَى الدَّلِيلِ ça a besoin de preuves. وأين دليل؟ يحتاج إلى دليل من كتاب و أو سنة. طيب، أين دليل؟ فلم يتمكن من الإتيان بدليل. Donc, s'il n'a pas pu maintenant, il n'a pas eu la capacité de venir avec les preuves من الكتاب أو السنة du Coran et de la سنة. ماذا نقول في عمله؟ فيكون عمله هذا بدعة محدثة. L'action qu'il a faite, c'est une innovation, muhdasa, une nouvelle chose. Voyez, Nassallallahu alayhi wa sallam. Al-Karim, il faut augmenter un peu. Nassallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve. Donc ici, Nam, aslu ziyara jaiza. Jaiz. La base de la ziyara est autorisée. Lakin takhsisuha bi yawm al-Eid, mais spécifier le jour de la fête et dire que c'est ce jour-là que nous voulons aller rendre visite à nos morts. Lam yafalhu Rasulullah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait cela. Wa la fa'alahu as-sahabata Rasulillah. Et ni les sahabatu Rasulillah, Rinwanullah alayhim ajma'in, car les agrés tous, ils n'ont pas fait cela. Falaw kana hadha al-amal mashru'an. Si cette action était légiférée, la fa'alou, alors il est refait. Wa hum ahrasu an-nas minna 'ala al-khayr bi kaseer. Car ils sont les gens qui sont plus ardents à chercher le bien. Alors vous verrez dans plusieurs hadiths, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne certaines choses qui font peur les compagnons. Hum harisuna jiddan. Yas'aluna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez voir, faqila lahu qalu ya rasulullah kaza wa kaza wa kaza. Qala les compagnons hum ahrasu an-nas. Walakin zara unas. Les gens sont apparus et disent que non, les compagnons laysu bi ahras. Eh non, il y a des choses qu'ils ont oubliées. وَنَحْنُ حَرِسِينَ بِسُنَّةِ رَسُولِ Nous, on veut plus la sunna, on veut plus respecter le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on veut plus. نَتِيجَ فَيَتُونَ بِالْبِدَى Résultat, ils viennent avec des innovations. Voyez? Et ils font ces innovations وَيُقِيمُونَ الدُّنْيَا عَلَيْهَا بِدَلِيلِ C'est-à-dire, ils s'élèvent, ils s'arrêtent au bidjo pour tout faire, pour amener des dalils, pour montrer que cela est possible de faire. Est-ce que vous comprenez? Qu'Allah nous préserve de la bida. Ce que les compagnons n'ont pas fait, al-khayr kull khayr fi tariq man salaf. Le bien, tout le bien, se trouve dans la voie de ceux qui nous ont précédés. Wa shar kull shar, et tout le mal se trouve fi tariq man khalaf. de ceux qui sont venus inventer une autre chose après eux. Nakululak, on te dit, Rasoul n'a pas fait, les compagnons n'ont pas fait, les tabi'in n'ont pas fait. Est-ce que toi tu trouves du bien en cela? Tu trouves du bien en ce que Rasoul lui n'a pas fait. Les compagnons à Sahabatul Kiram, ils n'ont pas fait. Les tabi'in, ils n'ont pas fait. Les Aïmatul Arba, lam yafal. Ils n'ont pas fait. Et tu trouves du bien en cela. Nasallallahu alayhi wa sallam. Hada yantiju min qillati din. C'est la petitesse de la religion. Et les gens, ils ne prennent pas leur religion qui leur mène directement au paradis au sérieux. Voilà pourquoi. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il dit, « Wa fi'luna li hadha al-amr ma'a ilmina » Le fait que nous fassions cette chose, alors que nous savons, « bi'adami fi'lihim » qu'ils n'ont pas fait, « lahu yadkhulu fi qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam » Alors on rentre dans la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit, « Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun » fa huwa radd » Al-Bida, man amila, ça veut dire celui qui fait amalan, une action, leisa, dont il n'y a pas alayhi, sur cette action. Amruna, notre ordre, c'est-à-dire tu fais une action, il n'y a pas de dalil qui prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a dit de faire. Ni il n'a pas fait. Il ne t'a pas dit de faire. Laisse aller Amruna. Il t'a pas dit de faire. Il n'a pas fait. Et puis toi tu fais. Qu'est-ce qu'il dit? Fawaradun. Mamanarat. Rejeté. Wanta tutaibu nafsak. Tu te fatigues pour rien. Comme Allah dit, Amiletun Nansiba. Amiletun Nansiba. Tu te fatigues. Hein? Et ensuite, si tu sortais zéro, la laka wa la alik, la kana hayina. Si tu sortais zéro, ce n'est pas, tu n'as pas eu de mérite et ce n'est pas contre toi. Alors, si c'était la kana hayina, ça allait être plus facile pour toi, akhi. Mais le problème, c'est que tu as des péchés dans une bid'ah. Car tu prétends que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'a pas tout dit. Regardez ceux qui fêtent Mawloud. On te dit, Rasoul n'a pas fêté, ses compagnons n'ont pas fêté, les tabi'in n'ont pas fêté, les quatre imams n'ont pas fêté. Là tu dis non, que c'est vrai, ils n'ont pas fêté, mais est-ce que c'est mauvais de fêter? On te dit bon. Si c'était un bien, la sabakouna il est. Ils allaient nous dévancer en cela. Toi tu dis, mais s'ils ne nous ont pas dévancé, nous aussi on ne fait pas. Hein? Il y a deux dalil dans le Coran qui montrent que Mawloud peut être fêté. Non, si ça vient d'une personne qui a de l'argument avec lui, on peut aller s'asseoir pour lui demander les arguments. Mais celui-là même, il ne connaît pas la différence. Hein? En sa tête et ses genoux. Hein? Qu'Allah nous préserve. Il n'y a pas de dalil. La fi le Coran, wa la fi sunna, wa la fi jma', wa la fi ayy qawlin min al aqwal. Ni dans aucune des paroles. Une innovation. Qu'Allah nous préserve de l'innovation. Ne me fais pas fuir. Attends. Non, c'est bon. C'est bon. Ils ont coupé courant. Aïe, voilà. D'accord. On continue. L'Anna Tarfi, c'est la ibada bizamanin mu'ayyan. Car le fait de spécifier une adoration. Donc, allumez les torches un peu partout, là, comme ça, ils vont me laisser. Hein? Donc, spécifier une adoration par un moment bien spécifique, dans un moment bien spécifique, Amrut al-Shar'i, c'est une chose qui concerne la législation, mina indillah, et ça vient d'Allah. La mina indi anfusina, et ça ne vient pas de nous. Est-ce que vous comprenez? La mina indi anfusina, ça ne vient pas de nous. فَلَا يَجُزُ لَنَا أَن نُخَصِّصَ أَيَّ عِبَادَةٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ. Alors il ne nous est pas autorisé de spécifier aucune adoration parmi les adorations بِوَقْتٍ مُعَيَّن, dans un temps spécifique, فِي يَوْمٍ مُعَيَّن, dans un jour spécifique, ça va, أَوْ شَهْرٍ مُعَيَّن, ou bien dans un mois spécifique, ça va, إِلَّا أَن يَكُونَ عِنْدَنَا دَلِيلٌ, sauf si on a une preuve, مِنَ الْكِتَابِ أَوْ السُنَّةِ, du Coran et de la Sunna, وَإِلَّا كان العمل مردودا على صاحبه كما قال. Sinon, l'action sera rejetée si celui qui a fait comme cela a été dit. Taïb, tel que par exemple les gens qui spécifient certaines choses dans des jours spécifiques. Par exemple, le mariage. Hein? Ils disent que si c'est pas jeudi, dimanche, nous on fait pas nos mariages. Et ils disent que vendredi, c'est pas bon. On ne fait pas mariage vendredi. Ou bien samedi. Ou d'autres même disent lundi, on ne fait pas de mariage. Hein? C'est là qui a créé ces jours. Et vous choisissez les jours que vous voulez dedans pour faire votre mariage. Adalaya 12. Voyez? Ensuite, l'auteur du livre dit وَيَقِفُ الزَّائِرُ مُسْتَقْبِلًا الْقِبْلَ. Celui qui rend visite à la tombe, il s'arrête pour faire face, se diriger vers la Qibla. Tayyib. لِمَا صَحَّ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءَ. De ce qui est venu authentique dans le hadith de Bara'a, أَنَّهُ جَلَسَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَ لَمَّا خَرَجَ إِلَى الْمَقْبَرَ. Lorsqu'il est sorti pour aller au cimetière, il est sorti. Voilà, c'est bon comme ça. Non, ne mets pas. Mets là-bas. Voilà. Je vais me débrouiller. Au moins, ils vont me laisser un peu. Voilà, c'est bon comme ça. Donc, lorsqu'il est sorti pour rendre visite au tombe, dans le hadith de Bara'a, rapporté par l'imam Muslim, cela s'est rapporté par Abu Daoud Ibn Majah. Wa kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yu'allimuhum idha kharaju ila al-maqabir. Il les enseignait lorsqu'ils sortaient pour aller au cimetière en yaqulu, qui disent, voici l'invocation, vous devez mémoriser cela. Assalamu alaykum ahl al-diyar. من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية. Voici le hadith. Les enfants, vous avez mémorisé ça? Hein? Qui va réciter? Naam, Abdullah. Masha'Allah, Masha'Allah. Qu'Allah préserve. Fa'adha al-hadith yadullu ala sunniyati ala al-dhikr inda al-khuruj ila al-maqabir. Ce hadith montre la sunna de cette invocation lorsqu'on sort pour aller faire les tombes. Voyez. Qal. Et dit ensuite, wa yahrumu ittikhadhil qubur masajid. On rentre dans une autre masala. Il est interdit de prendre les tombes comme des mosquées. Ça va? De prendre des tombes, c'est-à-dire de construire des tombes dans les mosquées, ou bien les maqabir comme des mosquées. Voyez. Non. C'est coupé, général. Al-Ahadith al-Lati Tadullu, les hadiths qui montrent Zalika Kessira, ceux-là sont nombreux. Voyez. Les hadiths qui montrent cela sont nombreux. منها قوله صلى الله عليه وسلم بسلالة الأبرار مساجد الله صلى الله عليه وسلم قد لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد الحديث رابطه بالإمام بخاري الإمام مسلم الله dans ce hadith le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dit لعن الله ça va لعن الله Allah maudit طيب. Ça peut être aussi une invocation. La'anallahu kalamudis al-yahuda wa nasara. Les juifs et les chrétiens. Limada? Ittakhazu kubura anbiya'ihim masajid. Ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme des mosquées. Voyez? Allahu musta'an. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. C'est la parole du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. Alors ceux qui cherchent toujours à plaire aux juifs ou aux chrétiens, hein, ce genre de hadith, ils ne peuvent pas réciter des mots. Parce qu'ils ne veulent même pas faire du mal à ces gens-là. Ils veulent simplement dire, c'est nos frères, on est ensemble. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد لكن هذا اللعن سيشمل المسلمين اليوم سانغلوبيرال les musulmans aujourd'hui parce que les musulmans aujourd'hui construisent des tombes dans leurs mosquées n'est-ce pas beaucoup. Et ça, c'est pas interdit chez les soufis, les tidjanites. C'est même permis. D'autres même ont déplacé les tombes de leurs pères du cimetière jusqu'à la mosquée. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il maudit ces gens, les gens qui font ça. Et de là, Allah, le Yahoud, wa Nasara, ittakhazu qubura anbiya'ihim, masajid. Qalat Aisha. Aisha dit, بعد أن روت هذا الحديث أبرز أورا بوتيس الحديث الذي يحذر ما صنعوا إيمان قد كون سيكيزون فيه أي احذروا بريني قارد فيت انتنسيون من أن تتخذوا قبور أنبيائكم مساجد كي و بريني لتوم ديفو بروفيت كوم دي موسكي سا سي ديفو بروفيت. Que dire des gens qui sont simples, hein, de ceux que vous avez rendus chez vous, qui sont les tadjars. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ulaika qawmun, ceux-là, ce sont les gens, idha mata fihim ar-rajul salih, lorsqu'un homme pieux meurt parmi eux, aw al-abd salih, ou bien serviteur pieux, بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. Ah, ils construisent sur leur tombe une mosquée et ils mettent maintenant des images dessus. Et regardez ce que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dit à leur sujet dans le hadith de Bukhari et Muslim. Il dit أولئك شرار الخلق عند الله. Il dit ceux-là sont les pires des créatures auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve de cet acte. Wa qala alayhi salatu wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: Allahumma la taj'al qabri wasanan. Allah ne fait pas de ma tombe une idole. Wa fi Muslim, dans Muslim, il dit: La taj'alu alal quburi. La tajlisu afwan alal quburi. Ne vous asseyez pas sur les tombes. Wala tusallu ilayha. Et ne priez pas vers les tombes. Wala alayha. Ni sur les tombes. Fada kullu yadullu ala tahrim ittikhadhi al-qubur masajid. Tout cela montre l'interdiction de prendre, les tombes comme des mosquées. Qala ahlul ilm. Les gens de science, ils disent: As-salatu fil maqbari batila. Prier au cimetière, ou bien où il y a une tombe, c'est caduque. La prière est nulle. Lianna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam naha an dhalik. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Wa bima annahu naha anha fil maqbar. Comme il a interdit dans le maqbar, idan fas-salatu, alors la prière, la tasihu wa la tajuzu fil masjid alladhi fil maqbar. Alors, ce n'est pas permis de prier dans une mosquée où il y a des tombes, c'est-à-dire fil maqbar ou au cimetière. Sawan kan al-qabr, que cette tombe soit qabla al-masjid, avant la mosquée, et qibla al-masjid, en direction de la mosquée, ou le masjid qibla al-qabr, ou bien la mosquée est en direction de la tombe. Voyez, kulluhu la tajuzu salat fi. Tout cela, il n'est pas permis de prier dans ces mosquées. Li'annaha asbahat maqbara. Car la mosquée est devenue un cimetière. Fa qabr wa masjid, la tombe et la mosquée, la yajtami'an al-batta. Ces deux-là ne se rassemblent jamais. Imma qabr, soit on met une tombe, on enlève une mosquée, wa imma masjid, ou bien soit une mosquée. وكل هذا لئلا نقع فيما وقع فيه اولئك. Tout cela pour ne pas qu'on tombe dans ceux dans quoi sont tombés ceux-là qui ont exagéré في الصالحين. Au sujet des hommes pieux, فإنه أول الشرك. Car c'est le début du shirk بالله تبارك وتعالى. Alors ici, je souligne que la prière, butlan al-salah, inda al-qabr, fi ikhtilaf lil-ulama. Il y a une divergence des savants. D'autres ne trouvent pas que la prière est nulle. Mais yashmalu maza al-la'n man fa'ala dhalik. Celui qui fait cela, yashmalu, il rentre dans al-la'n, dans la malédiction, et même dans ce qui est makru jiddan. Mais là, Ahmad, il ne fait pas exprès d'aller prier là-bas. Mais s'il arrive qu'il prie là-bas, sa prière est correcte selon la parole de certains savants. Walakin al-awla at-tark, c'est de délaisser. C'est-à-dire, si tu trouves que tu es devant, tu es dans une mosquée où il y a une tombe, tu as prié déjà, il faut reprendre ta prière. C'est ce qui m'est arrivé avec. C'était avec toi, non? Non. Lorsque c'était avec toi, on arrivait quelque part, et bon, on voit une grande mosquée, c'est la du mois. J'ai dit, bon, ok, viens, on va prier. Pendant qu'on est assis, on finit de prier, je regarde, je vois une tombe. Il dit, c'était des tombes. Ouais. Ça, ça m'est arrivé lorsqu'on partait une fois à Bondoukou, arrivé à Niblekro. Quelqu'un qui m'appelle. Non. Donc, ça c'est arrivé une fois lorsque j'allais à Bondoukou, arrivé à Niblekro. On a vu la grande mosquée. On voulait prier. On rentre. On prend les ablutions, on veut prier, tout ça. Et on se rend compte même qu'il y a un cimetière même dedans. C'est même pas une tombe, c'est plusieurs tombes. Ce jour-là, on n'a même pas pu prier dans aucune mosquée. C'est-à-dire qu'on a pris cette voie. On s'arrête dans une ville. On veut aller prier dans la mosquée. Il y a tombe. On quitte la ville. On va dans une autre ville. D'Abengourou, c'est ça, non? D'Abengourou jusqu'à Niblekourou, dépasser toutes les mosquées qu'on trouvait sur la route, il y avait des tombes. À Ozubilla. Même dans les petits villages. Allah nous préserve. Lakin as-sufiya hum alladhina ja'alu hadha fi ummati Muhammad. C'est qu'ils ont mis, mais akhadhu hadha min ash-shi'a. Ils ont pris cela des shi'a. Tayyib. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Nasallallahu alayhi wa sallam. Naam. Donc ici maintenant, qala rahimahullah wa zakhraf wa zakhrafatuha zakhrafatuha et son embellissement, c'est-à-dire l'embellissement de la tombe. Tayyib. Aïe, c'est-à-dire tahrumu zakhrafatu al-qubur. L'embellissement de la tombe est interdit. لأنه صلى الله عليه وسلم قال من سيد الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء عليها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى interdit de construire sur la tombe وتجسيسها صبا وتجسيسها c'est-à-dire éplâtrer la tombe صبا plâtrage c'est-à-dire جسس صبا plâtrage c'est-à-dire mettre quelque chose pour le rendre blanc. Tabir, c'est-à-dire il y a des trucs qui mettent pour rendre dur et puis ça devient blanc. Ça va? Comme nous on peut appeler aujourd'hui le fait de mettre des carreaux. Ça va? Des carreaux sur la tombe. Jabir ibn Abdullah il dit Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yujassisa al-qabr. Il a interdit de plâtrer la tombe. Et qu'on s'asseye sur la tombe, et qu'on construit sur la tombe. At-tajsis ou at-tabiyyid. Tabiyyid, c'est le fait de mettre quelque chose plâtré pour que ça devienne blanc. Aïd is-sa'imal al-jass, c'est d'utiliser le plâtre. Wa huwa al-jabas. Et c'est ce qu'on appelle le staff. Fi tabiyyid al-qubur. C'est-à-dire dans le fait de rendre blanc la tombe. Fahada yadullu ala tahrim tazyin wa zakhrafati al-qubur. C'est-à-dire cela montre l'interdiction d'embellir la tombe. Wa kullu hadha saddan li zari'ati al-ghuluf al-qubur. Tout cela c'est pour mettre une barrière à l'exagération que les gens feront au sujet de la tombe. لأن أصل الشرك بالله. Car la base du shirk, كان سببه, la cause de cela c'était quoi? الغلو في الصالحين. L'exagération au sujet des hommes pieux. ومجاوزة الحد فيهم. Et dépasser les limites les concernant. وذلك أن ابن عباس il a dit cela. رضي الله تعالى عنه. Comme cela vient dans Al-Bukhari. Il dit Sourate al-Awsan. Les Awsan allati kanat fi qawmi Nuh fi al-Arab ba'd. Les Awsan que les gens adoraient à l'époque de Nuh sont apparus chez les Arabes. Les mêmes idoles. Mais ils étaient départagés. Ça va? Il dit Amma Wad. Le Wad. Comme cela vient dans Surat An-Nur. La tazarunna alihatakum. Wa la tazarunna waddan. Wa la suwa'an. Wa la yaghuf. Wa la ya'uq. Wa la nasr. Ça fait 5. C'est ça? Voyez. Ces idoles-là sont apparues chez les Arabes. Après des milliers d'années, ils ont fait réapparaître cela chez les Arabes. Et Wad, كانت لكلب بدومة الجندل. Ça va? الكلب ici, c'est une tribu. Ça va? C'était بدومة الجندل, c'est une kabila qui se trouve dans un endroit. C'est Mamlaka. طيب. أما الصواع, quant à الصواع, كان لهزيل. C'était pour la tribu كبيلة هزيل. Ça va? وأما يغوث, يغوث, فكانت لمراد. Summa libani rotifu biljauf. Ensuite, Yaghous appartenait à au Kabila de Al-Muradi. Summa ensuite s'est revenu à la tribu de Rotifu biljauf. Al-Jauf ici c'est un endroit aussi, Al-Makan. Inda fi Yaman. Ça va? Fi Yaman. Inda Saba. Saba c'est fi Yaman. وأما يعوق كانت يعوق فكانت للهمدان c'était pour la tribu قبيلة الهمدان أما النصر النصر فكانت لحمير آل ذي القلاع donc c'était pour cette tribu qui est الحمير qui est آل la famille ذي القلاع donc c'était départagé ainsi parmi les Arabes d'autres étaient au Yémen et les gens du Yémen adoraient. D'autres étaient dans Mamlaka, dans d'autres endroits, et ils les adoraient. Mais ce sont les mêmes idoles que les gens de Nour adoraient. Asma ou Rijal Salihin min qawmi Nour. Ceux-là, ce sont les noms des hommes pieux parmi les gens de Nour. Ça va? Du peuple de Nour. Falamma halakou, et lorsqu'ils ont péri, awha shaytan ila qawmihim. Shaitan a révélé à leur, c'est-à-dire il est venu les souffler à l'oreille. Aninsibu, il dit, mettez ila majalisihim dans leur assise. Alletikanu yajlisunahu, dont il s'asseyait, ansaban. Ansab ici c'est tamasil, faites des représentations. Ça va? وَسُمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ Et nommer chaque représentation par leur nom. Papa Alou. Ils ont fait cela. فَلَمْ تُعْبَدْ Mais, au début, ils n'ont pas été adorés. حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ Lorsque ceux-là ont péri, c'est-à-dire ils sont morts. وَتَنْسَخَ الْعِلْمِ Et la science a été élevée, c'est-à-dire élevée, abrogée. La science a disparu. Au bidat. Ces choses-là ont été adorées. Akhrajahu al-Bukhari. Voici comment le shirk est apparu. Le shaitan la yatika, il ne te vient pas d'un seul coup si c'est que tu ne vas pas l'obéir. Voyez, mais il vient étape par étape. Ça va? Il vient étape par étape. Kana qawmuhu ala tawhid. Les gens de nous étaient sur le tawhid. وكان فيهم رجال صالحون يعبد الزومبيو فلما ماتوا جاءهم الشيطان وقال لهم lorsqu'ils sont morts Shaitan est venu il a dit aux gens qui sont restés derrière eux il leur a dit صوروا لهم صورا تتذكرونهم بها وتعبدون الله كعبادتهم regardez faites leur représentation afin de vous rappeler d'eux et vous allez adorer Allah comme ils ont adoré Allah. Regardez le shaitan. فَصَوَّرُوا لَهُمْ صُوَرًا Ils ont fait des représentations. وَجَعَلُوا فِي نَادِيهِمْ نَادِيهِمْ c'est leur endroit de rassemblement. فَلَمَّا مَاتَ هَاُولَاءِ الْقَوْمِ Lorsque ceux-là maintenant qui ont fait ces représentations, puisque eux, le shaitan ne les a pas dit d'adorer ces représentations. Mais lorsque ceux-là maintenant sont morts, nous, si elle est, la science a été oubliée. Parce qu'il n'avait pas de ulama. Wali masalatu muhim majidan. Et le cheikh dit, voici un sujet qui est très important, que vous devez comprendre. Falamma lam ya'ud baynahum ulama. Comme il n'existait pas de savants entre eux, يُبَيِّنُونَ لَهُمُ الْحَقْ مِنَ الْبَاطِلِ. Les savants qui les clarifiaient le vrai du faux, جَاءَهُمُ الشَّيْطَانِ. Le shaitan est venu. وَقَالَ لَهُمْ. Et shaitan les a dit, بِأَنَّ أَسْلَافَكُمْ. Vos salafs, كَانُوا يَعْبُدُونَ هَذِهِ الصُّورَةَ. Ils adoraient ces représentations. فَعَبَدُوهَا. Alors eux ne se sont plus posé la question, puisque nos salafs adoraient. وَقَالَ الشِّرْكُ فِي النَّاسِ. Et c'est en ce moment que le shirk est venu parmi les gens. Alors, Rakizou, concentrez-vous ici sur la parole du Cheikh. Il dit quoi? فَلَمَّا لَمْ يَعُدْ بَيْنَهُمْ عُلَمَا. Si les savants, le fait que les savants n'étaient pas parmi eux, qui les clarifiaient la vérité du faux. Hakaza. Il a Aratan Tara, si tu veux voir, halaknas, la perdition des gens, c'est la diminution des savants et le manque des savants parmi eux. N'eût été les savants, on sera comme des bêtes, comme des animaux. Est-ce que vous comprenez? La présence des savants, imaginez qu'on laisse chacun faire ce qu'il veut, comme le dit les Ikhwan al-Muslimin et leurs consorts, laissez les gens, chacun va faire ce qu'il veut, annas ou ahrar. Les gens sont libres. Wallahi, s'il n'y avait pas des gens pour clarifier la vérité, il n'y aura pas de sunna même. La sunna va disparaître. Bikamili. Hatta ceux qui avaient la petite sunna, s'ils ne parlent pas, ils glissent avec les innovateurs. Ceux qui avaient le tawhid, s'ils ne parlent pas, ils glissent avec les gens du shirk. Hein? Qu'Allah nous préserve. Alors ici, Summa arsalallah. Ensuite, Allah a envoyé, Tabaraka wa ta'ala Nuhan, a envoyé Nuh, alayhi salatu wassalam, lihaoulay al-qawm, à ces gens-là, kayyaruddoum ila tawhid, pour les ramener au tawhid, bala an afala fihim al-shirk, après que le shirk est apparu. Tayyib, Allah a envoyé Nuh vers eux, pour les appeler, pour les ramener au shirk. Mais, et Afwan, subhanallah, Allah a envoyé nous pour les appeler au tawhid. Voyez. Mais là, ils se sont opposés à nous. Ça va? Ils ont dit, « Waqalu, la tazarunna » Ne délaissez pas. Ce que nous, en train de dire, « Alihatakum » aux divinités. ولا تذرن ودا ولا سواء ولا يغوث ويعوق ونسر. الله اكبر. كم لمكريان مكه ها lorsque محمد est venu vers eux, les appelait au tawhid, ils ont dit animshu wasbiru ala alihatikum. Patientez si vos idoles, marchez, continuez seulement. Patientez. Inna hadha shay'un yurad. C'est quelque chose qui est voulu. C'est ce qui est bien. Restez sur vos idoles. Hakaza. Tayyib. Wala halun nas. C'est la situation des gens. Ne pense pas que tu vas venir appeler les gens au tawhid, les gens à la sunna, répliquer sur le shirk, hein? Et puis ils vont te faire tous les honneurs. Hein? Là, ils vont pas te faire cela. Au contraire, ils vont te combattre. Ils vont te combattre à fond. Tu seras combattu. Ça va? Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous plaisir. Summa ada al-karratu min jadid. Ensuite, quand nous les appelés, et Allah subhanahu wa ta'ala a anéanti la terre. Hein? Parce que même lorsque Allah a demandé à nous, Allah a dit à nous, hein? Wasna'il fulk. Construit le bateau. Hein? Nous a construit le bateau. Voyasna ul fulk. Mais chaque fois, kullama marra alayhim mala'um min qawmihi sakhiru min. Il se moquait de nous. Il se moquait de lui. Walakin, ahlakamullah. Allah les anéantit. Nasallallahu alayhi wa sallam. Mais après nous, summa ad al-karratu min jadid. Al-karratu min jadid. Ensuite, ils sont revenus dans le shirk. Wa takhazan nas kathira min al-qubur. Et les gens ont pris beaucoup de tombes. Regardez, écoutez cela. Ce sont les tombes-là qui ont envoyé le shirk. Mais les gens aujourd'hui sont revenus à cela. Fi zamanina hadha. À notre époque. Alihatun tu'badu ma Allah ta'ala. Les divinités qu'on adore avec Allah. Tajidhum, tu les trouves, yatufuna hawla al-qabr. Ils font la circumambulation, le tawaf, autour des tombes. Yasbahuna li sahib al-qabr. Ils immolent pour le mort, celui qui est dans la tombe. Yatadarra'una la, ils l'implorent. Wa ka'annahum yad'una Allah. Comme s'ils invoquaient Allah. Ba'alla'allahum, et il dit même, il se peut, yukhlisuna fi ad'iyatihim lahum. Ils sont sincères dans leur invocation. Ka ikhlasihim lillah. Comme la sincérité pour Allah, ou achad, ou même plus sincère que cela. Ya'buduna al-qubur, ils adorent les tombes. Ka'annahum ya'buduna Allah tamaman. Comme s'ils adoraient Allah. وهذا هو الشرك بعينه وصل الشرك lui-même وهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منه et voici ce que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم mettait en garde contre فقال il a dit dans sa parole اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد الله اكبر Allah ne fait pas de ma tombe une idole qu'on adore فكان يخشى من هذا الشيء. Il avait peur de cela. Mais regardez aujourd'hui dans sa communauté. Ummatu Muhammad. Regardez. Ya'buduna al-qubur. Ils adorent les tombes ou pas? Wa rasul sallallahu alayhi wa sallam da'a Allah. Il a invoqué Allah. Allah yaj'al qabrahu wasanan. Yu'bad. Qu'Allah ne fasse pas que sa tombe soit wasan. Et Allah exauce son invocation. Sa tombe a été préservée. Hein? Sauf quelques bandits, lorsqu'ils arrivent, ils essaient de s'échapper pour aller adorer quand même. Hein? Pour aller invoquer. Ya Rasulallah! On l'attrape. Si on l'attrape, on l'amène directement en prison. Et bien sûr, ceux qui savent, c'est le shirk. Adalaya Jusabana. Qu'Allah nous préserve. Et qu'Allah nous guise enfin sur le droit chemin. نعم فلا بد من الحذر من هذا الأمر. Il faut prendre garde de cela. فكل هذه الأوامر التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القبور. Tous ces ordres qui sont venus au sujet des tombes du prophète صلى الله عليه وسلم خشية أن يقع الناس في الغلو. Par crainte que les gens tombent dans l'exagération au مجاوزة الحد فيها et dépasser les limites dans cela. وما ذلك même avec cela فلا يمنع ذلك من احترامها. Il n'est pas interdit de respecter la tombe, et donner son droit comme il se doit. C'est-à-dire, afouan, donner le droit du prophète sur la selle, ce n'est pas de la tombe. Ça va? Là, là, c'est de la tombe. Voyez? Qala wa tasri juha. Tasrij. Ensuite, il dit le tasrij. Tasrijuha, yani, mettre les suruj, des lampes. Yani, idaat al-suruj, placer des lampes autour des tombes, ou bien sur la tombe. D'autres, même aujourd'hui, mettent l'électricité même, dedans. Jusqu'à ce qu'il fait noir dans la tombe, ils mettent l'électricité. D'autres, même, climatiseurs. Hein? Idaat al-suruj, d'autres, mettent même caméra. À l'intérieur, pour voir ce qui se passe. L'antara, tu ne verras pas. Hada alamun ghaibi. La tastati antara, tu ne verras même pas. Alors le suruj ici c'est jamu siraj, wa huwa ad-daw, c'est la lumière. Sawan kana bi turuq al-ida'ati allati kana indahum qadiman, que cela soit par les voies d'éclairage qu'ils avaient avant. Kalfawanis. Kalfawanis, ce sont les lampes. Waghairiha. Ah oui, tout ce qui est maudjouda indana al-yawm, ou bien les voies qu'on a aujourd'hui, telles que l'électricité. Fa'ayu tariqat min turuq al-ida'a. N'importe quelle voie parmi les voies d'éclairage, hadha la tajuzu ala al-qabr. C'est pas permis de faire sur la tombe. Bina'an ala hadith inda Abi Dawood. Se basant sur un hadith qui est rapporté par l'imam Abi Dawood. Mais le hadith est da'if. Sayyib. قال ابن قدامة ما ابن قدامة دي تعليقا على عدم جواز اتخاذ السروج على القبور أنا notant sur l'interdiction de mettre des lampes sur les tombes. Qu'est-ce qu'il a dit dans Mughni? Il dit لأن فيها فيه تضييعا للمال في غير فائدة. Il dit il y a en cela, hey, levez-vous, venez ici. Il y a en cela, c'est-à-dire à la perte des biens sans aucun bénéfice. Celui qui paye courant. Pour celui qui est déjà mort, tu payes courant. Allah Moussa'an. Wa ifratan fi ta'zim al-qubur. Et il y a de l'exagération dans le respect de la tombe. Ashba'u ta'zim, qui ressemble ici au respect des idoles. قال المؤلف رحمه الله والقعود عليها et s'asseoir sur la tombe. Alors c'est une deuxième masala ici. وهي احترام القبور وتقديرها احتراما لأهلها. Le respect de la des tombes et en fait dans le respect des gens qui sont dans la tombe. فشريعة الله دائما بين الإفراط والتفريط. La sharia d'Allah est chaque fois entre l'excès, l'exagération et le laxisme. Wa i'tidal fi kulli al-umur, et le juste milieu dans toutes les choses. Voyez, wa la yumkinu an takuna mu'tadilan illa idha taqayyadat. Et ce n'est pas possible que la charia soit dans l'équité sauf si la charia se restreint bi kitabillah, par le Coran, wa sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. طيب قال والقعود عليها إذا صار سلطان أي القعود على القبور محرم فصار سلطان إنتبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم أكوز لبارود النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث رواه البخاري ومسلم هو أوتنتيك يقول أن يجلس أحدكم على جمرة كلن نتروس على سين بريز فتحرك سيارة إلى بريز brûle son habit, fatakhlusu ila jaldi, et va jusqu'à brûler sa peau. Alors, khayrullah, c'est mieux pour lui, min ajdi salah, mais an yajdi salah al-qabr, qui s'assied sur une tombe. Est-ce que vous comprenez? Allahu Akbar, qu'Allah nous préserve, et qu'Allah nous guise enfin sur le droit chemin. Alors ici, il faut comprendre que, hadha qawlun wahid, حرام. وقد تقدم أنه نهى أيضا عن القعود على القبور. Et ça précédait ici que nous avons vu qu'il a interdit de s'asseoir sur les tombes, احتراما لأصحابها, afin de respecter ceux qui sont dans la tombe. كما جاء في الحديث المتقدم, comme c'est venu dans le hadith qui a précédé, من حديث جابر, le hadith جابر, قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a interdit de plâtrer la tombe, wa yuqada alayhi, et de s'asseoir dessus, wa yubna alayhi, et de construire dessus. Fa hadhihi thalathatu umur naha sallallahu alayhi wa sallam anha. Alors ces trois choses le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a interdit: de s'asseoir sur la tombe, de plâtrer la tombe et de construire sur la tombe. C'est interdit. Mais ce qu'on voit aujourd'hui lorsqu'il y a des enterrements, hein? Vous voyez, les tombes sont un peu coincées. Donc vous voyez, les gens vont même jusqu'à s'arrêter sur les tombes. Ils vont jusqu'à s'arrêter sur les tombes. Et ce n'est pas eux-mêmes qui enterrent le mort. Ce n'est pas eux-mêmes. Ceux qui doivent enterrer le mort sont là. Mais ils vont créer tout un groupe autour des tombes, s'arrêter sur des tombes. Est-ce que vous comprenez? Si c'est au bord de la route, on peut s'arrêter sur les routes. Mais aller s'arrêter jusqu'à sur les tombes, là, il y a deux ans. Non. Je n'ai pas dit que ce n'est pas une sunna. J'ai dit qu'on ne s'arrête pas sur les tombes. Ici, dans nos différents cimetières, les tombes sont un peu coincées. Il n'y a pas de voie même. Généralement, tu sais, dans d'autres pays, les tombes sont comme des... c'est-à-dire la manière dont on fait les lotissements, là, avec des îlots et puis des voies à l'intérieur. Ça permet aux gens de passer facilement entre les tombes et voir les tombes. Vous passez sur ces voies-là, vous arrêtez sur les voies-là. Mais regardez ici chez nous, Abidjan ici, la majorité des macabres, vous allez voir, les tombes, il y a une seule grande voie. Maintenant, après, les tombes sont entassées. Il n'y a même pas de petite, il n'y a même pas de voie. Peut-être s'il y a une petite voie, c'est entre deux tombes seulement. Et c'est ce qu'il y a entre deux tombes seulement, tu peux compter même d'une coudée, souvent. D'une coudée, entre deux tombes, ou bien de deux coudées. Bon, comment les gens vont pouvoir s'arrêter? La boutan yamshu wa an, ils marchent, ou bien, wa an yakifu ala kubur, ou bien ils vont s'arrêter sur les tombes. Wa la mayajouz. S'il est interdit de s'asseoir sur une tombe, est-ce qu'il est permis de s'arrêter sur la tombe? Mayajouz al. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve. قال المؤلف رحمه الله وسب الأموات. Excusez-moi, on va finir ce chapitre, inshallah, et la semaine prochaine, on va rentrer dans Babu Zakat. طيب. نعم. Ici, وقد تقدم أنه نهى أيضا, on a vu ça. Il dit قال المؤلف رحمه الله وسب الأموات. سب ici c'est insulter. Ou bien parler en mal. Adamana sab. Ça va? Parler en mal des morts. Ça va? Le corps du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la tasubbu al-amwat. À cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vient dans Sahih Bukhari, il dit n'insultez pas les morts. Fa innahum qad afdou ila ma qadimu. Car ils sont allés vers ce qu'ils ont fait comme action. Aïe, quand Zahabu il a ma kadimu. Ça va? Ils sont au kadamu. Ils sont allés vers ce qu'ils ont fait comme action. Min khayrin au shar. Du bien comme du mal. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam. La tazkuru halakakum illa bi khayr. Ne mentionnez du bien de vos morts, ne mentionnez de vos morts que du bien. Voyez, halakakum ici c'est mautakum. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, la tasubbu al-amwat. N'insultez pas les morts, ne parlez pas mal de fatuzu al-ahya. Vous allez faire du tort aux vivants qui sont derrière eux. Alors, kulli hal, on ne prend pas ces hadiths-là. Ça va? Car si tu prends ces hadiths à l'âme, tu vas dire qu'il n'est pas permis de parler de certains égarés qui sont déjà morts. Ou bien de dire que Fulan Mubtada, Fulan Bal, Munharif. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que les innovateurs ils utilisent pour dire non, on ne parle pas des morts. Ils sont déjà morts. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit La tazkuru halakakum illa bi. La tasubbu al-amwat. Le chef qui va soulever une masala ici. Il dit masala. Inihtajina. Si on a eu besoin. Il a zikri al-mayyit bisou. En parlant du mort, en mal. Les maslahati shari'a. À cause d'un intérêt de la sharia. Mu'tabara qui est considéré fa'al yajouz. Est-ce que c'est permis? Naam yajouz. Oui, c'est permis. طيب ودليل ذلك La preuve de cela, Maja an Abi Huraira. C'est ce qui est venu d'Abu Huraira. Anna uqal, murra ala nabi sallallahu alayhi wa sallam bi janazatin. Ils ont passé avec un corps auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa as usni alayhi khayran. Et les gens qui étaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont commencé à parler du bien, de ce mot, fi manakib al khayr, c'est-à-dire les qualités du bien. Faqal wajabat. Il dit wajabat. Ça va? Wajabat, c'est-à-dire wajabat alayhi al-janna. Summa marru alayhi bi ukhra. Ensuite, ils ont passé avec un autre. Fausni alayhi. Sharran. Les gens ont parlé en mal de lui. Fi manakib al-shar. C'est-à-dire manakib ici, c'est les méfaits. Faqal wajabat. Il dit wajabat. Innakum shuhada'ullahi fil. Il dit, vous êtes les témoins d'Allah sur la terre. Voyez, ce hadith est rapporté par l'imam Al-Bukhari au Muslim. Ash-shahid qawluhu. Alors, notre argument, c'est sa parole. Fazakaruha bishar. Ils ont parlé ici en mal de ce mort. Walladhi zukira bishar mayit. Celui qui a été mentionné en mal, c'est qui? C'est le mort. Wa ma zalika aqarrahum an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prouvé cela. N'est-ce pas? Et il a dit wajabat. Ce qui a été dit wajabat. C'est-à-dire c'est ce qui montre que cette personne n'est pas une bonne personne. Innakum shuhada'u la ala al-ard. Alors fa iza kana hunaka maslahatun shar'iyyah mu'tabara. S'il y a une maslaha shar'iyyah mu'tabara, ça va considérer un intérêt de la charia qui est considéré falabas, il n'y a pas de problème. Ça va? Falau qala ahlul hadith mazalan. Si la gens de hadith dit, had al hadith daif. Ce hadith est daif. Fi isnadi fulan kazab. Dans un isnad, il y a telle personne, kazab, halik, il a akhir. Hein? Fal had dakhil fi nahi. Est-ce que ça rentre dans l'interdiction? Al-jawab la. Ça va? Qu'Allah nous préserve. Comme par exemple, j'ai dit, Kardawi dalun mudil. Alors, il y a de quoi il y a un rajul dal. Hein, mudil. Il a égaré combien de personnes? Hein? Qu'est-ce que c'est? Si tu as besoin de parler de cela en disant qu'il est égaré, même s'il est mort, ça la juste. Voyez, nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, le jawab c'est que c'est permis. لأن هذا إنما ذكر لأجل حفظ الشريعة. Car celui-là a été mentionné seulement que vous préservez la charia, le hifz din Allah, vous préservez la religion d'Allah, wa tamyiz al-hadith sahih min al-hadith da'if. Pour mettre la différence entre les hadiths sahih et les hadiths daif. كذلك الكلام في أهل البدع. C'est le même parler sur les innovateurs, والضلال et les égarés. الذين انحرفوا في دين الله عن الجادة. Ceux-là qui ont délaissé la voie droite, la بد من بيان ما عندهم من أخطاء. Il est obligatoire de clarifier ce qu'ils ont comme erreur. كي يحذروا الناس. Afin que les gens prennent garde d'eux. من الوقوع في هذه البدع. De tomber dans ses innovations, wad-dalalat, et ses égarements, wal-akhta, et ses erreurs. Toyib, donc ici il y a 12. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qala al-muallifu rahimahullah. C'est notre avant-dernière masala. C'est ça? Il dit, wat-ta'ziyatu mashru'atun. Ma mana ta'ziyah? Ta'ziyah, c'est condoléance. Ça va? Alors, le fait de yani, donner les condoléances, ça va? C'est autorisé. À cause des hadiths de Oussama ibn Zayd, quand la kunna inda Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on était auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce jour-là, il y avait Abu Bakr, il y avait Omar, il y avait Osman, il y avait beaucoup de compagnons. Fa arsala ilayhi ihda banati. Alors, une de ses filles envoyait quelqu'un vers le professeur Samtadouhu wa tukhbiruhu anna sabiyan laha ou ibna laha fil maut. L'appeler pour dire qu'elle a un enfant qui est en train de mourir. Faqala li rasoul, il a dit à celui qui a été envoyé vers lui, c'est-à-dire le professeur, il a dit à celui-là, irji ilayha, retourne-toi vers elle, fa'akhbirha et informe-les, anna lillahi ma akhadha. Allah appartient ce qu'il a pris, wa lillahi ma a'ta. Et c'est à lui appartient ce qu'il a donné. Wa kulli shay'in lahu bi ajali musamma. Et toute chose a un délai bien connu auprès d'Allah. Famurha. Ordonne-la, fal tasbir. Qu'elle patiente, wal tahtasib. Et qu'elle espère la récompense venant d'Allah. Wa ta'ziya. Ta'ziya ici. Ya tasbir. C'est le fait de faire patienter celui qui a perdu quelqu'un. Aïe, c'est-à-dire al-hassu al-sabr, l'inciter à la patience bizikri ma yusalli al-musab, c'est-à-dire en mentionnant ce qui peut réconforter celui qui est atteint par le malheur, wa yukhaffif huzna, et va alléger sa tristesse, wa yuhawwin alayhi musibata, et va rendre pour lui facile ce malheur-là. Wadakunu bi kalimat, ça se fait par des paroles, écoutez bien. Ka kalimat allati qalaha sallallahu alayhi wa sallam li bintihi. La parole qu'il a dit à sa fille, fa innahu alayhi salatu wa sallam lam yajma' an-nas, il n'a pas rassemblé les gens. Wa yasna'u at-ta'am, et préparer la nourriture. Wa lam yaf'al shay'an min hadha, il n'a rien fait de cela. فَكُلُّهُ لَا أَصْلَ لَهُ فِي شَرْعِ اللَّهِ. Tout cela, il n'y a pas de fondement dans la charia. إِنَّمَا التَّعْزِيَةِ Les condoléances, كَمَا فَعَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ. Comme le professeur Al-Sallam, il a dit, إِذْ أَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولًا. Il a envoyé un messager, c'est-à-dire quelqu'un vers elle, يُخْبِرُهَا بِكَذَا وَكَذَا. L'informer de telle chose. لَكِنَّهَا لَمْ تَقْبَلْ بِالْمُرْسَلِ. Mais elle n'a pas accepté. Hatta ja'aha, jusqu'à ce que le professeur est venu vers elle. Tayyib, wa waqafa 'alayha. Il s'est arrêté devant elle. Wa ra'a ruha tafid. Il a vu l'âme de l'enfant sortir, c'est-à-dire l'enfant rendait l'âme. Fa baka sallallahu alayhi wa sallam. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a pleuré ce jour-là. وذكر انها رحمه جعلها الله في قلوب عباد. Parce que les compagnons ont posé la question, ma hada ya rasulallah, ma hada, lorsqu'il a commencé à couler les larmes, les compagnons ont posé la question, ma hada, il a dit hada rahma ja'alaha Allah fi qulub al ibad, elle a mis dans le cœur des serviteurs. وَلَكِنَّهُ كَمَا ذَكَرْنَا. Mais comme on a mentionné, لَمْ يَفْعَلُ مَا يَفْعَلُ النَّاسِ الْيَوْمِ. Il n'a pas fait ce que les gens font aujourd'hui. وَلَمْ يَتَكَلُّفَ النَّاسِ الْيَوْمِ. C'est-à-dire, il ne s'est pas mis des charges sur lui comme les gens font aujourd'hui. Les gens aujourd'hui, c'est toi qui as perdu quelqu'un. Et c'est toi qui dois préparer une nourriture. Les gens vont venir manger. Pour 500 personnes. C'est-à-dire, tu perds la personne. Tout ton souci maintenant, ce n'est pas l'enterrement. Mais c'est comment nourrir les gens. Ils vont dire non, qu'il y a eu des déchets chez lui, mais Amadia. La moustard. Fajil Ashia leti ta sulfia munkarat na azima. Ces choses dans lesquelles il arrive souvent des actes répréhensibles immenses. Wa kasiratun jiddan min israf. Et beaucoup, ça rentre dans le gaspillage, ou tabzir, ou ria, ria même rentre, l'ostentation, ou souma, c'est la même chose. Ou ghayr zalika min al-ashya allati lam yashra Allah tabarak wa ta'ala. Et autre que cela, parmi les choses que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas légiféré. Il y a d'autres coutumes, eux ils s'asseyent, c'est-à-dire, tu trouves des gens qui sont toujours aux portes de la cour ou bien devant la cour. Ils attendent des gens pour venir leur rendre visite, pour des condoléances. On choisit même des vieux spécialement pour cela. Alors là, Yous. Adama Yous. Ce n'est pas permis. Allez, c'est mine sunna. Fichez. Tazia, on peut se déplacer pour aller chez eux, pour aller les dire. Vraiment, qu'Allah lui fasse miséricorde, fasse birou, hein, patienter, wa tahtasibu, espérer la récompense d'Allah. Tout ça, c'est des bonnes paroles pour les réconforter. Mais on ne place pas des gens devant la cour pour venir les rendre visite, pour venir dire, hein, souvent même, ils font même 2 semaines. Et ce travail, ils ont eu comme ça. Parce qu'on va préparer matin pour les envoyer. Voilà, c'est un grain, ils font thé même tout ça là. Hein? Voilà. Ils vont envoyer des gens, ils vont préparer pour le matin, ils vont préparer à midi, ils vont préparer le soir. Pour eux, ils sont là spécialement pour recevoir les gens. De toutes les kabilas là. Hein? Dans les villages même c'est connu. Ça va? Mais, hein? Il y a Kaye. Budget de visite. Donc, on ne peut pas venir en visite sans rien donner. Oui, c'est ça. C'est ce qu'ils ont fait rentrer en islam. C'est ce que les chrétiens font dans les veillées là. Voilà, chaque tribu vient, il donne quelque chose. Voilà. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Alors ici, lâchez, il n'y a rien. Si la personne meurt déjà, même si tu vois son frère, sa mère, quelque part sur la route, tu lui souhaites tes condoléances. Et puis, t'as le mordou. Ce n'est pas un chart qui vient jusqu'à chez toi à la maison. Hein? Mais chez nous ici, tant qu'il ne vient pas, hein? C'est comme moi quand j'arrive au village, on dit, bon, il y a tel coup qui a perdu 3 personnes, telle famille a perdu 4 personnes, telle a perdu 4 personnes. Et c'est ma grand-mère qui me dit tout ça. Elle me dit, bon, tu vas te préparer. Quand tu comptes, ça vaut 90 personnes. Tu dois aller tous faire une visite. Ah, moi, j'ai dit, mais c'est quoi ça là? Donc, comme moi, je vais être un peu malin, qu'est-ce que je fais? Je dis, bon, en tout cas, vraiment... Moi, je prépare les... Elle dit, non, il faut que tu ailles, c'est wajib. Sinon, ils vous diront que le petit-fils de telle personne est arrivé et il n'est pas venu rendre visite, il n'est pas venu donner les condoléances. Moi aussi, j'ai fait plan. J'ai même mon départ le lendemain. Ah, mais bien sûr. Puisque je ne veux pas aller rendre visite jusqu'à 90 personnes et puis je vais les donner un peu. J'ai quoi? C'est ça le problème. Donc ce sont les coutumes. Non. Le mot condoléance. Le mot condoléance. Condoléance, ça veut dire quoi même? Vous comprenez français. Hein? Ah, la peine, tout ça. Non, il y a certains savants qui disent que. Pour celui qui a perdu quelqu'un, si c'est, même si ce n'est pas un musulman, on peut faire le tasbir, mais pas dire qu'Allah lui fasse miséricorde. C'est la seule chose. Mais d'autres disent même qu'on ne peut pas le faire parce que halaka halik, c'est quelqu'un qui a péri. Si toi me créer adoullah. Donc, al-aslam, c'est de ne pas le faire. Si tu dis, ah, j'ai perdu tel... Ah, ouh, vraiment. Yako. Bon, c'est la même chose d'incondéliance, là, Yako. Hein? Oui, ça rentre dans ce sens-là. Yako. Non. Non. Non. Si c'est une partie de ta famille qui est chrétienne, alors tu n'as pas le droit d'aller dans l'enterrement. Hein? Mais tu vas le dire quoi? Le salut, tu vas le dire quoi? Car nous préserve. Normalement, à cela, il n'y a pas de... Il n'y a pas de fraternité familiale entre un musulman et un mécréant. Non. Shara, ça n'existe pas. Voilà pourquoi la charia même va loin. Le fils, si il est musulman, le père est mécréant, il n'hérite pas de son père. Là, hier, il est musulman kafir. Il a coupé le lien le moment où il sort de l'islam. Il coupe le lien de parenté. Et nous, souvent, on veut tellement respecter les liens de parenté, on va rentrer dans les mahzourat, dans certains interdits, parce que si on reste, on va même sortir de notre religion à cause de cela. Faites attention. Ton frère, c'est ton frère. Mais s'il a choisi de religion, il a décidé de choisir ce qu'il veut. À la cour les halles, les bonnes paroles, essayer de lui parler pour le convaincre à rentrer dans l'islam, tout ça, mais il te fouille de canailles. C'est-à-dire, toi ton baptême, il va venir, il va t'appeler dans sa hakika, et s'il y a son mariage, toi tu vas l'assister. Alors, Maya Djouz, Aflan. Qu'Allah nous préserve. وكذلك إهداء الطعام لأهل البيت. Alors ici on va terminer avec cette masala. Il dit donner la nourriture aux gens de la maison, c'est-à-dire aux gens qui ont perdu quelqu'un. Les hadiths Abdullah ibn Ja'far. À cause des hadiths d'Abdullah ibn Ja'far, قال جاء نعي Ja'far حين قتل. Donc l'information de la mort de Ja'far est arrivée lorsque Ja'far a été tué. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسنوا لآل جعفر طعاما préparez pour la famille de Ja'far de la nourriture فقد آتاهم ما يشغلهم car ce qui les occupe leur est parvenu. C'est-à-dire ils ne pourront même pas préparer, ils ne pourront rien faire parce qu'ils sont tristes. لكن الحديث ضعيف. الحديث ضعيف. وقد احتج بعض الناس بهذا الحديث. Mais certains ont utilisé ce hadith. Le asr, même si ce hadith est daïf, yadkhulu min al-amal as-salihat. Ça rend dans les bonnes actions le fait de préparer pour donner à celui qui a perdu quelqu'un. Mais, aujourd'hui, c'est nous, où on s'en va manger là-bas. Hein? D'après lui-même, ils disent que si quelqu'un meurt, c'est un zarmé. Hein? On va lui manger Kep. Aouzoubillah. Toi, tu attends que quelqu'un meure, tu vas lui manger Kep. Ah, c'est qu'on va manger ton Kep aussi. Ou bien? Hein? Ah, y'a non, c'est comme ça. Qu'Allah nous préserve de la dureté du cœur. Donc certains ont argumenté avec ce hadith qu'on vient de voir à la istima al-manhi pour montrer le rassemblement qui est interdit wa sunnah du ta'am fi et préparer la nourriture. Wa hatajju bi qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont argumenté avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam isna'u li ahli Ja'far ta'aman. Préparer pour la famille de Ja'far de la nourriture faqad atahum ma yushghiluhum. Leur est parvenu ce qui va les occuper. واحتجاجهم خطا ملر argumentation est erreur. فمعنى الحديث لسون دي حديث كوا ان اهل البيت عندهم ما يشغلهم من الحزن على ميت على ميتهم. Il dit dans le hadith ici les al Ja'far, quelque chose leur est parvenu qui va les occuper. Qu'est-ce qui va les occuper de la préparation? C'est le deuil. C'est la tristesse. N'est-ce pas? وَيَحْتَجُونَ أَنْ يَدْفَنُوا مَيِّتَهُمْ. Ils ont besoin d'aller enterrer les morts. وَيَشْتَغِلُونَ بِمَا مَا دَفْنِ مِنْ تَغْسِيلِ. Ils seront occupés à laver le mort. وَتَغْسِيلِ, l'ensevelir. وَمَشَابَ, et tout ce qui ressemble à cela. Ils sont occupés. Ça va? Par cela, au lieu de préparer la nourriture, yakuluna, qui vont manger? On prépare la nourriture seulement pour les gens de la maison. Alezina inshallah. Ceux qui sont occupés. Là, ayusna ta'am li kulli dakhil wa kharij. Préparer la nourriture pour toute personne qui rentre, toute personne qui sort, wa li kulli man ja'a li yu'azi, toute personne qui vient dire condoléances, hein, d'autres même viennent pour dire condoléances, c'est pas pour vraiment condoléances. Et ils viennent, et puis ils tirent le cou comme ça, ils regardent dans les marmites. Hein? Si jamais il y a la nourriture. Et il dit vraiment, le voisin, vraiment, yako, hein, yako, yako. Et puis il regarde dans la nourriture, dans la marmite là-bas. Hein? Ah, dans Maya 12. Qu'Allah nous préserve. هذا لم يشرعه الله تبارك وتعالى ألا نبوتر يسولا ما أن هذا الحديث الذين يحتجون به malgré que ce hadith dont ils argumentent avec hadith ضعيف لا يسير c'est un hadith qui est ضعيف et qui n'est pas authentique. Donc nous avons fini le chapitre de funérailles. Dans la semaine prochaine inshallah nous rentrons dans le chapitre de la zakat. طيب الزكاة كلانو بريزيرف كلانو كي سان فين سو لو دران شومان نعم نعم سي بيرمي دي ديبلاسي شران وي سي يا سي لاريف كو يا يا ان دانجي pour les morts. Ça va? C'est-à-dire qu'il y a un danger, ou bien c'est-à-dire que l'eau arrive, par exemple. C'est-à-dire que c'est sur les sawahil, les bordures de mer. Souvent quand l'eau monte et on sait que l'eau va venir englober, alors, Sharon, on peut déplacer. Voyez? On peut déplacer lorsqu'il y a des dorourates. Ça va? Sharon, on peut le faire. Voyez? Mais déplacer un cimetière parce qu'on veut construire des maisons, ou bien déplacer les cimetières parce que la ville, il n'y a plus de place, on veut envoyer ça quelque part, ce n'est pas permis de déplacer. Non. Ça nous préserve. C'est mieux même, souvent même ceux qui décèdent, si on a une capacité, on a des villages à côté d'aller les enterrer. Parce que généralement, vous les enterrez ici, même s'ils n'ont pas déplacé le cimetière, ils vont enlever son corps pour aller mettre ça quelque part. Non. Comment? Hein? Quoi? Chez vous? C'est-à-dire dans les rues, souvent, quand la pluie tape certaines parties, il y a des squelettes qui sortent. C'est-à-dire que vous habitez même sur un cimetière. Aïe, voilà. Oui, c'est permis. C'est permis de ne pas laisser comme ça. On s'est permis de ramasser, si tu vois les squelettes, tu ramasses, tu vas creuser un trou et puis tu mets dedans. Ouais. Non. Les questions? Non. Oui, les regroupements, les rassemblements pour aller visiter les tombes. L'ordre est venu de visiter les tombes. Et aussi, Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, il dit, Fazuruha. Il dit, je vous avais interdit de visiter les tombes, visitez-les maintenant. Car ça vous rappelle la mort et la situation dans laquelle sont ceux qui sont là-bas, sera votre situation. Parce que même dans l'invocation, tu dis, فَنَحْنُ بِكُمْ لَاحِكُونَ. Voyez, on va vous rejoindre. Donc, c'est permis d'aller visiter. Mais aucun, je dis bien aucun dalil n'est venu sur le fait de se rassembler pour faire ça comme une sortie pour aller visiter les tombes. Adaché Ounjari, c'est une nouvelle chose ça. Donc, si c'est une nouvelle chose, est-ce que les salafs ont fait? S'ils n'ont pas fait cela, alors c'est pas permis de le faire de cette manière. Parce qu'on voit chez les gens d'association qui font cela, les gens de IMC, les gens de... Hein? Toutes les associations. IMC, on sait que c'est Kardawi, mais les autres aussi vont. Allez voir. Hein? Et les femmes aussi qui se regroupent. Il y a une qui prêche là-bas. Non. Non. Se regrouper pour aller saluer. Bon. Haza yabqa. Si ça ne va pas devenir sunna pour les gens, ça reste sur l'autorisation de pouvoir le faire. C'est-à-dire que si moi, par exemple, vous et nous, on dit, ah bon, Abdou Karim, Abou Fatima, lève-toi, telle personne, lève-toi, on va les saluer. C'est par occasion, on s'est vu, on dit, on va les saluer là où il y a eu décès. Ça, c'est la base. Mais si c'est devenu comme une sunna, ça ne veut pas dire des innovations. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, les gens font ça comme une sunna pour aller saluer chez quelqu'un qui est décédé. Ils font un groupe d'aïman. Et tant qu'ils ne sont pas en groupe, ils ne vont pas. Voilà. Tant qu'ils ne sont pas en groupe, ils ne vont pas. Donc si c'est Kaza de Kalabouda Minal Dalil, il faut mener une preuve qui nous montre que c'est permis de le faire. Est-ce qu'il y a cette preuve-là? Non. Hein? Aller balayer le cimetière. Allahu alam. Là, je ne peux te rien dire, mais je sais que on peut aller rendre visite. Arriver là-bas, s'il arrive que c'est pas un truc qui est d'Eidana aussi, que c'est sale, bon. Je ne vois pas, j'ai pas vu d'interdiction, mais Allahu alam. Non. C'est pas permis même. Il y a Sadi Luna, ils argumentent avec le fait que le professeur Assam a planté quelque chose pour que les Yonkhafif, dont ils plantent les arbres, c'est pas permis de faire cela. Non. La Sunna, non, quel conseil, Masha'Allah, Jazakallah khair. Visiter les tombes n'est pas une obligation. Il faut le savoir. Parce que une autorisation après une interdiction devient quelque chose qui est permis. Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam avait interdit, après il a autorisé. Donc, une autorisation après une interdiction devient, voilà, devient permission. C'est-à-dire un ordre après une interdiction devient permission. Donc c'est permis d'aller visiter les tombes. La illa qui est dans le fait de visiter les tombes, c'est de se rappeler de la mort. Donc moi je conseille beaucoup à mes frères de ne pas le faire d'Eidana, mais souvent d'aller passer dans les cimetières. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit tazakkaru hadim al-lazzat. Rappelez-vous du destructeur des plaisirs. Qui est Al-Maut. Mais comment te rappelles-tu de cela? Va au cimetière. Il y a des gens qui sont plus beaux que toi, qui sont plus grands que toi, qui étaient plus riches que toi, qui étaient plus intelligents que toi, qui avaient toutes les qualités que toi tu n'as pas, mais qui sont couchés là-bas. Alors lorsque tu vois ceux-là, la seule chose que ceux-là ils désirent, c'est de dire Rabbi Rji'oun, la Ali Amal Saleh. Allah, fais-moi revenir Mais, hélas, ils ne pourront plus revenir. Donc maintenant, si toi tu vas les trouver dans cette situation, tu te rappelles que je serai dans cette situation demain. Donc, au lieu de perdre mon temps, je vais remplir mon temps dans les adorations, dans la mémorisation du Coran, dans la lecture du Coran, dans l'écoute des prêches, dans l'écoute des cours, dans le fait de faire les bonnes actions jusqu'à la fin de ma vie. Alors ça te rappelle la mort. Et lorsque tu arrives là-bas, ça te rappelle le fait que il n'y a rien entre toi et ceux-là que le fait que l'âme y sorte. Et l'âme peut sortir là-bas même sur le champ. Donc les frères, c'est quelque chose, les frères, ils ne font plus ça même. Ils ne font plus, les cimetières même, c'est Mansi. C'est quelque chose même qui est oublié. Hein, comme si ça n'existe pas. C'est quand quelqu'un décède, on se trouve par occasion au cimetière. Mais moi-même, décider d'aller au cimetière, moi seul, aller visiter les tombes et m'asseoir, méditer. Méditer! Il ne faudrait pas que tu visites seulement. Assois-toi et médite. Et commence à méditer à la situation de ceux-là. Donc, les frères, je vous conseille cela. Il faut multiplier, pas le faire beaucoup, mais quelques rares fois, il faut le faire. Vous voyez? Non. Qu'Allah nous préserve. Et aussi, il peut arriver que tu prennes ton épouse. Voilà, souvent les femmes aussi, elles oublient trop. Donc souvent, tu la prends, tu dis, viens, on s'en va au cimetière. Et tu les autres, tu lui dis, tu vois ceux-là, où ils sont. Hein? Non. Souvent, si elle est un peu trop désobéissante, deux jours-là, elle va bien se dresser. Elle sera sur la bonne voie. Parce qu'elle a vu des gens au cimetière. N'est-ce pas? Et toi aussi, si tu étais gauche, tu vas aller du côté droit. N'est-ce pas? Qu'Allah nous préserve. Donc, on va s'arrêter ici et on va faire la salah. Non? Le fait de la sorcellerie, le destin, en fait. L'effet de la sorcellerie se trouve dans le destin. Se trouve dans le destin. C'est-à-dire, si quelqu'un te fait de la sorcellerie et que ça t'atteint, ça a été décrété. Ça va? Même le hadith du prophète sallam qui dit la yaruddu al qadar illa du'a. La yaruddu al qadar illa du'a. Ne repousse le destin que l'invocation. Est-ce que l'invocation peut repousser le destin? Hein? Mais oui, c'est ce que je voulais dire. Non. C'est-à-dire, est-ce que l'invocation peut repousser le destin? Là? En elle-même ne peut pas. Ça va? Allah subhanahu wa ta'ala qaddara maqadir al-khala'iq a décrété qabla khalqi samawati wal ard, avant la création des cieux et la terre. Donc tout c'est déjà écrit. Mais comme l'a dit Abu Zainab, c'est-à-dire la yaruddu al-qadar illa ad-du'a, ça veut dire que Allah a écrit dans ton destin que telle chose va t'arriver, et c'est la doa qui va repousser. Si tu viens avec la doa, ça serait repoussé. Mais si tu viens pas avec, ça va pas être repoussé. C'est les deux sont écrits. Si tu viens avec doa, ça va être repoussé. Si tu viens pas avec doa, ça ne te repousse pas. Les deux sont écrits. Si tu viens pas avec aussi, on continue. Ça va? La yaruddu al-qadar illa doa. Adamana. Donc, il faut comprendre que Allah dit يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَإِنَّهُ أُمُّ الْكِتَابِ. Le أُمُّ الْكِتَابِ est là, mais يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Il y a des choses que Allah efface, mais c'est écrit qu'il allait effacer. Voyez. نَصَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc, la semaine prochaine pour Babu Zakat.